Tell me something, girl, are you happy in this modern world? Do you need more? Is there something else you search for? And for him, all the good time. La la la la la la la la. C'est joli, Mister italien, italien. C'est pas mal, monsieur. Il est parti, le compositeur. Pourquoi il est parti sans laisser d'adresse? Titi, tu connais la chanson? Il est parti. Ouais, il est parti. Putain. Voilà. Et je sais pas si c'est une impression que j'ai sur Linbot, mais des fois il y a des gens qui sont un peu particuliers quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, on a respecté son morceau. Hein. On a pas fait de bêtises. Alors, à moins qu'il ait un problème de... Peut-être que je m'avance un peu. Peut-être que c'est un problème de connexion. Ouais, c'est louche. Enfin, je sais pas. J'ai respecté les accords. 1, 2, 3, 4. Well, maybe I'm talking too fast, but I won't be the first of the last. In the sea, all the flows on your cast. Come on, please go on. Don't have to ask what you do. Ah, j'ai peur. Just to look to get it. J'étais en train de dire des conneries. Means nothing to me to get through. Please go on. Allez les gars. Ouais, j'ai reçu, ouais. En tout cas, je me suis trompé tout à l'heure. Hein. Il est revenu. Ok, bye. Je croyais que tu t'es parti vexé, mais je me suis trompé. Non, mais. On peut se tromper. Hein. Moi, j'aime bien le truc de tout à l'heure, là. Pas la batterie là, attends. Attends, j'essaie.